Chapitre 29e. Quelques jours s'écoulèrent avant que Marc pût trouver une occasion de parler avec la vertueuse Madame Maurice. Elle évitait avec une extrême prudence tout ce qui aurait pu éveiller les soupçons des hôtes du château et donner prise au cancan des mauvaises langues. Pourtant, un jour, Marc la guetta au moment où elle portait sur un plateau d'argent le courrier de Mademoiselle Penruff et de loin fit signe qu'il l'attendait dans l'embrasure d'une des fenêtres de la galerie. Il savait que la lecture de sa correspondance était pour Prissy une occupation absorbante. Partant, il n'y avait rien à craindre de ce côté, ni de celui des domestiques, réunis à cette heure pour prendre leur thé. Personne donc ne pouvait être aux écoutes. « Qu'avez-vous à me dire ?» demanda Mariette Maurice à Marc. « Mon frère a fait son testament et promet de me léguer sa fortune. En êtes-vous sûr ? J'ai sa parole, et la parole de Vivien vaut sa signature. » « Vous avez de la chance, Marc, car ce n'est pas vous qui eussiez jamais été capable de faire votre fortune. Si ce n'est pas dans votre nature d'être reconnaissante, vous devriez au moins être poli. Allons, Marc, de grâce, pas de querelle. Tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes quand nous serons installés dans votre château de Penruff Place. Que dira-t-on à Camelot lorsqu'on me verra traverser le village à demi couché dans mon landau? Je voudrais avoir 6 chevaux si cela ne rappelait trop le cirque. » « Je suis d'avis qu'un poney-chaise doit suffire à votre ambition et à vos besoins. Mais Mariette, ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne puis supporter plus longtemps la comédie que vous jouez ici. J'ai hâte de vous voir quitter la maison, et je vous prie d'avertir ma sœur de votre prochain départ. Je comprends. Il faut que je laisse le champ libre à Mademoiselle Florence. Vous avez peur de mon espionnage et de mes yeux terribles quand vous lui faites la cour. Entre nous soit dit, Mariette, votre caractère infernal n'a pas contribué à me rendre la nature féminine sympathique. Je crois que les coquetteries d'un ange n'auraient pas prise sur moi. Un accident imprévu peut, d'un moment à l'autre, vous trahir et nous perdre tous deux. Je ne puis supporter cette position plus longtemps et je n'entends pas que ce rôle odieux se prolonge. C'est possible, mais il faut du moins que j'examine un peu votre projet et que je trouve quelques prétextes pour conserver mon prestige. Je dirais par exemple que ma vieille mère, réclamant mes soins, je ne puis le refuser vu son grand âge et je partirai dans 1 mois. 1 mois ? Pourquoi 1 mois ? Votre vieille mère aurait le temps d'ici là d'être morte et enterrée. La vieillesse est une maladie lente qui peut pardonner longtemps. Je ne puis donner à votre sœur un moindre délai pour me remplacer. Elle m'a prise en grande amitié et en brusquant mon départ, je risquerais de perdre sa confiance. Un rien suffit pour attirer l'attention, pour éveiller un soupçon, et je veux sortir d'ici la tête haute. Vous m'aurez donc encore sur vos talons pendant 1 mois. Je persiste à dire que vous feriez bien de lever le siège dès que vous le pourrez. Oui, dès que je le pourrai, répète-t-elle d'un ton de profonde et sombre réflexion. Un coup de sonnette retentit et Madame Maurice, rappelée au devoir de sa charge, part comme une flèche dans la direction de l'appartement de Mademoiselle Penruff. Sur ma foi, si j'y comprends quelque chose, se dit Marc à lui-même, combien je la voudrais à 100 lieues d'ici avec Florence par-dessus le marché. Ce dernier nom partit plus vite qu'il ne voulait. Ce nom le rend soucieux, rêveur. Ce nom est pour lui la lutte avec l'impossible même. Ce nom lui sert surtout de point de comparaison entre la perfidie qui tourne tout au mal et la vive intelligence qui tourne tout au profit de la bonté. À partir de ce moment, Marc se laisse partager entre la reconnaissance qu'il doit à son frère et l'impatience de voir se réaliser les espérances que Vivien avait miroité devant ses yeux. Il parle machinalement de l'avenir et de toutes les améliorations que le temps et le progrès des choses a rendues nécessaires, à commencer par les écuries. Celles de Penruff Place ressemblent plutôt à des étables. Elles pêchent à la fois par le sommet et par la base. Le toit a besoin d'être refait. Les râteliers datent du temps de l'arche. Les chiens sont encore plus mal logés que les chevaux. Aujourd'hui, on traite les uns et les autres comme des personnages et une meute ne se loge pas sous des toits à port. Ces projets avoués sans détour rendent Marc très populaire près de tous ceux qui espèrent que ce qui sortira de sa poche tombera dans leur escarcelle. Mais quelques jours encore et on verra qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. La semaine d'après, Marc, bien, entre 11h et midi, parlait à Vivien de réparations urgentes que réclame une grange dont la vétusté menace ruine. Une longue promenade à cheval au trot, la poussière qu'il a avalée par tous les pores, l'ont fatigué, atterré. Le gobelet d'argent de Vivien est déposé sur le bureau. Il avale d'un trait le contenu et se plonge dans un fauteuil en attendant le squire qu'il a laissé sur la pelouse, causant sans doute exploitation agricole avec un de ses fermiers. Bientôt les yeux de Mark se ferment. Une sueur froide inonde son front. Son cœur bat comme un marteau de forge. Une contraction extraordinaire altère ses traits. Il perd connaissance. Vivien entre peu de temps après, regarde son frère et lui dit « Mark, vous dormez ?» Pas de réponse. Il s'empare d'une de ses mains, la secoue, mais sans parvenir à le faire sortir de sa léthargie. Il interroge le pouls qui est lent et faible. « Mon cher Mark, lui dit-il, il faut vous réveiller. » Puis il va chercher un peu d'eau de vie et lui en ingurgite à grand-peine quelques gouttes. Peu à peu, les joues de Mark s'animent, ses yeux brillent, sa langue se délie. « Ah ! S'écrie-t-il, je commence à renaître. Tout à l'heure, une paralysie universelle semblait m'envahir. Je croyais m'engloutir dans une trappe. « Grand Dieu ! S'écrie Vivien. Il me semble aussi subir ce douloureux supplice quand je suis près de mes crises de cœur. C'est chez moi aussi, j'en suis sûr. » Le symptôme d'une maladie de cœur. Ah, mon cher Vivien, il est inutile que vous fassiez un testament en ma faveur, car qui peut dire quel est celui de nous deux qui passera le premier dans la barque de Caron? C'est vrai, nous sommes nés du même sang. La pensée ne m'est jamais venue que cette maladie pouvait être héréditaire, comme la phtisie, par exemple. Chez notre père, la crise fatale n'avait été précédée d'aucun dérangement dans l'équilibre physiologique, comme celui que vous et moi nous éprouvons. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Ni moi non plus, jamais. Qu'avez-vous fait ce matin, mon ami? Vous vous serez fatigué à l'excès? C'était la suite d'une longue promenade à cheval que j'ai ressenti ma première attaque. Oui, j'ai fait une course insensée. Arrivé ici, j'avais une soif inextinguible et j'avalais d'un trait le verre de bière qui vous attendait. Enfin, la plus robuste des constitutions n'est pas exempte d'un trouble passager. Et je veux encore espérer que vous ne souffrez d'aucune lésion organique. Néanmoins, il y a là quelque chose d'extraordinaire, et il est profondément regrettable que ni vous ni moi n'ayons d'enfants. En tout cas, j'aime mieux refaire mon testament en faveur de ma femme plutôt que de voir ma fortune passer à mon héritier légal, Philippe de Lakehurst. Il ne faut rien changer à ce que vous avez fait, Vivien. Vous ou moi, pour avoir un fils et à votre place, je préférais voir Jacques-Philippe de Lakehurst devenir propriétaire de Penrith Place plutôt que le second mari de Barbara. Dût-il être son ancien fiancé, le capitaine indien, je le préfère encore à cet avoué sans fortune, sans mérite, que la loi me donne pour héritier. Enfin, j'ai toujours la ressource de léguer ce que je possède à l'État, ou à un établissement de charité. Si vous m'en croyez, vous ne modifierez pas votre testament. J'aurai peut-être un secret à vous confier d'ici peu de temps. « Je comprends, dit Vivien, vous avez un mariage en vue. Eh bien, tâchez d'arriver promptement à une solution. Un bon averti en vaut deux. » Après cette conversation, Mark essaye en vain de retrouver le calme de ses pensées, mais il est constamment assailli de craintes relatives au projet dont son frère l'a entretenu. Ce point noir le poursuit comme un cauchemar. Il songe à ses trois garçons et se dit tout bas qu'il est temps d'attendrir Vivien en leur faveur. Il sera furieux d'abord, mais après tout, une faute n'est pas un crime, et Vivien ne saurait tenir longtemps ses neveux à distance. Au moment de monter à l'assaut, le courage lui manque et il remet toujours au lendemain d'apprendre à son frère les choses qu'il se promet de lui faire connaître. « Si Mariette savait la crise que j'ai eue, se dit-il, elle ne me laisserait ni paix ni trêve. » Il était donc bien décidé à ne pas lui en parler pour cette raison et pour bien d'autres. La marche du temps emporte un à un les jours du mois que Mariette Morris doit passer encore au service de Mademoiselle Penrith. Les feuilles tombent, le brouillard revêt la montagne d'un voile gris et épais. Mademoiselle Prissy déclare un jour tout haut qu'elle ne retrouvera jamais une servante comparable à Madame Morris. Elle s'étonne qu'une personne si accomplie, si supérieure à sa condition, ait pu avoir des relations intimes avec la vulgaire Madame Nichols. Mark tressaille en entendant sa sœur prononcer ces mots, car il sait qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir été prise pour dupe. Sauf Mademoiselle Penrith, exception qui confirme la règle, personne au château ne regrettera Madame Morris. Le jour qui précède le départ de cette énigmatique créature, Vivien est seul dans sa chambre, non pas malade mais souffrant. On lui remet son courrier du matin qui, par extraordinaire, ne se compose que d'une seule lettre. L'écriture lui est inconnue, quoiqu'elle porte le timbre de Camelot. C'est un devis quelconque, se dit le squire en déchirant l'enveloppe de la lettre azurée dont voici la teneur. Je n'hésite pas à vous importuner en vous avertissant de ce qui se passe et en faisant retentir à vos oreilles le tocsin d'alarme, mais je vous invite à ne pas dédaigner la vie d'un ami. George Leland est à Rockport. On l'a vu avec Madame Penrith, de même qu'on les avait vus à Southampton le jour du départ du capitaine pour les Indes. Mulford, témoin de leurs adieux passionnés, pourra vous donner les informations les plus certaines sur cette page de leur existence, qui a pour jamais compromis la réputation de Barbara. Madame Trevenock n'a pas surveillé ses filles avec assez de soin. Dieu veuille qu'il soit encore temps de sauver l'honneur de votre femme et le vôtre. Une lettre anonyme, un tissu de mensonges, se dit Vivien. Mais que ce soit vrai ou faux, il se sent atteint par la maladie contagieuse de la calomnie et passe de l'inquiétude au soupçon. Sans doute, se répète-t-il, Barbara est une femme de devoir, mais elle m'a épousé sans amour. Et une fascination irrésistible ne peut-elle pas vaincre la conscience la mieux trempée? Vivien n'a jamais songé à demander compte à sa femme de l'emploi de ses heures. D'ailleurs, elle se promène toujours avec Florence, qui ne se ferait pas complice de rendez-vous coupable. Quant à la circonstance de l'entrevue si compromettante de Barbara et du capitaine à Southampton, comment pouvoir en sonder le mystère? Cette dernière idée s'empare de Vivien comme une torture qui lui comprime le gosier. Ses lèvres se dessèchent, ses mains nerveuses s'emparent convulsivement de son gobelet et le vident d'un trait.